Des îles Canaries, où il mouilla, il ne mit que 33 jours pour découvrir la première île de l'Amérique. Et pendant ce court trajet, il eut à soutenir plus du murmure de son équipage qui n'avait essuyé de refus des princes de l'Europe. Cette île, située à environ 1 000 lieues des Canaries, fut nommée San Salvador. Aussitôt après, il découvrit les autres îles, Lucaye, Cuba et Hispaniola, nommées aujourd'hui Saint-Domingue. Ferdinand et Isabelle furent dans une singulière surprise de le voir revenir au bout de 7 mois, 15 mars 1493, avec des Américaines d'Hispaniola, des raretés du pays et surtout de l'or qu'il leur présenta. Le roi et la reine le firent asseoir et couvrir comme un grand d'Espagne, le nommèrent grand amiral et vice-roi du Nouveau Monde. Il était regardé partout comme un homme unique envoyé du ciel. C'était alors à qui s'intéresserait dans ses entreprises, à qui s'embarquerait sous ses ordres. Il repart avec une flotte de 17 vaisseaux en 1493. Il trouve encore de nouvelles îles, les Antilles et la Jamaïque. Le doute s'était chargé d'admiration pour lui à son premier voyage, mais l'admiration se tourna en envie au second. Il était amiral, vice-roi, et pouvait ajouter à ses titres celui de bienfaiteur de Ferdinand et d'Isabelle. Cependant, des juges, envoyés sur ses vaisseaux mêmes pour veiller sur sa conduite, le ramenèrent en Espagne. Le peuple, qui entendit que Colombo arrivait, courut devant de lui comme du génie tutélaire de l'Espagne. On tira Colombo du vaisseau. Il parut, mais avec les fers aux pieds et aux mains. Ce traitement lui avait été fait par l'ordre de Fonseca, évêque de Burgos, intendant des armements. L'ingratitude était aussi grande que les services. Isabelle en fut honteuse. Elle répara cet affront autant qu'elle le put. Mais on retint Colombo 4 années, soit qu'on craignit qu'il ne prit pour lui ce qu'il avait découvert, soit qu'on voulut seulement avoir le temps de s'informer de sa conduite. Enfin, on le renvoya dans son nouveau monde en 1498. Ce fut à ce troisième voyage qu'il aperçut le continent à 10 degrés de l'équateur et qu'il vit la côte où l'on abattit Carthagène. Lorsque Colombo avait promis un nouvel hémisphère, on lui avait soutenu que cet hémisphère ne pouvait exister. Et quand il l'eut découvert, on prétendit qu'il avait été connu depuis longtemps. Quelques-uns ont cru trouver de la conformité entre des paroles caraïbes et des mots hébreux, et n'ont pas manqué de suivre une si belle ouverture. D'autres ont su que les enfants de Noé, s'étant établis en Sibérie, passèrent de là en Canada, sur la glace, et qu'ensuite leurs enfants, nés au Canada, allèrent peupler le Pérou. Les Chinois et les Japonais, selon d'autres, envoyèrent des colonies en Amérique et y firent passer des jaguars pour leur divertissement. Quoique ni le Japon, ni la Chine n'aient de jaguars. C'est ainsi que souvent les savants ont raisonné sur ce que les hommes de génie ont inventé. On demande qui a mis des hommes en Amérique. Ne pourrait-on pas répondre que c'est celui qui fait croître des herbes et des arbres? La réponse de Colombo à ses envieux est célèbre. Il disait que rien n'était plus facile que ses découvertes. Il leur proposa de faire tenir un œuf debout. Et aucun n'ayant pu le faire, il cassa le bout de l'œuf et le fit tenir. Cela était bien aisé, dirent les assistants. Que ne vous en avisiez-vous donc? Répondit Colombo. Ce conte est rapporté par Brunelleschi, grand artiste qui réforma l'architecture à Florence longtemps avant que Colombo existât. La plupart des bons mots sont des redites. La cendre de Colombo ne s'intéresse plus à la gloire qu'il eut pendant sa vie d'avoir doublé pour nous les œuvres de la création. Mais les hommes aiment à rendre justice aux morts, soit qu'ils se flattent de l'espérance vaine qu'on la rendra mieux aux vivants, soit qu'ils aiment naturellement la vérité. Américo Vespucci, que nous nommons Amérique Vespuce, négociant florentin, jouit de la gloire de donner son nom à la nouvelle moitié du globe, dans laquelle il ne possédait pas un pouce de terre. Il prétendit avoir le premier découvert le continent. Quand il serait vrai qu'il eût fait cette découverte, la gloire n'en serait pas à lui. Elle appartient incontestablement à celui qui eut le génie et le courage d'entreprendre le premier voyage. La gloire, comme dit Newton dans sa dispute avec Leibniz, n'est due qu'à l'inventeur. Ceux qui viennent après ne sont que des disciples.